Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bonsoir, entrez. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Enchanté. Oui, asseyez-vous. Asseyez-vous. Oui, certains. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Chantez. Voilà. Bon, alors déjà, enfin, juste une parenthèse, les gars, avant de commencer. Juste, faudra penser à s'habiller si d'aventure vous êtes pris. Ouais, c'est l'avenir en caleçon, c'est osé ouais. Quand même. Vous avez apporté un CV ? Oui. Donnez-moi ça, dépêchez-vous. Alors, ok. Première question, que pensez-vous du Picsou Magazine ? Bah, c'est un peu toute mon enfance et encore aujourd'hui, je m'en inspire beaucoup dans ma vie. D'accord. C'est une raclette de Proust. Oui, c'est... Parce que vous avez j'ai cru que c'était Proust. Ok, super. Je vais te poser les questions, ok ? Et tu vas répondre le plus vite possible. Et de manière, bien sûr, la plus intelligible et la plus sincère possible, ok ? Non. Tu es prêt ? Oui. Attention. Oui. Top chrono ! Oui. Vous chaussez du combien ? Du 40. Comment s'appelle la seconde assistante de déco des visiteurs en Amérique ? Jean-Marc. 42 multiplié par 357, ça fait combien ? T'es bon en histoire ou pas ? Ouais. Slip ou caleçon ? Plutôt des strings. T'as une meuf ? Plusieurs. Elle est meuf ? Elle est bonne ? Bah, elles sont bonnes. Est-ce que t'as ton permis cariste ? Carrément. Ton film préféré avec Dakota Fanning, c'est quoi ? James Bond est en Amérique. Tu te branles combien de fois par jour ? 2. Ok, merci Christophe, on enregistre ses réponses. T'étais pas sûr que tu sois pris. Hein. Ouais, enfin... Merci Christophe, tu peux nous laisser. Non, mais pour maintenant on va débriefer. Hein. Les auditoires des jeunes filles, je m'appelle Christophe comme dans La Reine des Neiges, le héros, ça peut amener des. Non, on s'en fout, nous la neige, ça nous intéresse uniquement pour skier, le reste nous. Voilà, le vin chaud à la limite, mais Reine des Neiges, non. C'est marrant que vous parliez de ski parce qu'en fait, je vous disais, j'étais orienté plus sud-est. En fait, je vais retourner du coup dans l'appart de mes parents à Chamonix. Je vais profiter pour aller skier la semaine prochaine. Du coup, c'est pas. Ah, l'appart à Chamonix ? Ouais, parce que mes parents, ils ont un appart à Chamonix. On y va au ski l'année. Alors attends, est-ce que tu es disponible immédiatement ? Oui, peut-être qu'on peut. Du coup, peut-être. Dispo ? Vous avez d'autres propositions ? Alors peut-être éventuellement. Bon, allez, réponds aux questions, Christophe. Est-ce que tu es disponible maintenant ? Ou sexuellement ? Non, à Chamonix. À Chamonix. Est-ce que tu es disponible à Chamonix maintenant ? L'appartement est libre et il sera utilisé. Ok, bienvenue dans la société. Bienvenue. Enchanté. Christophe, merci. Ah, bienvenue. Tu es embauché. Voilà, super. On s'est dit, je te donne un double CDI. Et là, t'as fait le bon choix, mec. Sur la masturbation, j'ai cru m'être trompé, mais. Non, c'est parfait. Excellente réponse. C'était parfait. Salut pour la deuxième partie du podcast. Salut. Officiel spécial Noël. Je suis avec Stéphane Croustinière. Oui, bonsoir à tous. Joyeuses fêtes, hein, bonnes vacances. Sartman. Hey, salut les PD. Et Christophe, notre stagiaire. Christophe, notre stagiaire qui a eu l'air de faire le podcast pour Noël, mais c'est peut-être une erreur. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse. C'est la première fois dans l'histoire du podcast. On a un invité qui a accepté de répondre à nos questions. Haha. Eh oui. Comme quoi ça arrive. Et donc il est un peu en retard, mais il arrive, il est là. Hein. Christophe, il y a plus de patates. Va en cuisine nous faire des patates, s'il te plaît. Et tu ramèneras aussi du jambon et du vin chaud. Et appelle l'invité, savoir s'il est. Donc s'il est bon, ce que je vous propose, c'est de faire une petite interview officielle, et puis après, on ira boire un bon verre de vin chaud. Un petit verre de vin chaud. Très bonne idée, Aurélien. Alors, oui, c'est. Vous êtes censé savoir, hein, y a le Hobbit, la bataille des 5 armées qui vient de sortir. Le quoi ? Le Hobbit de film de Peter Jackson, hein, qui apparemment est très mauvais. Et on a la chance, j'ai fait jouer mes contacts, ouais. On peut dire ça comme ça. Tu te plaignais de pas avoir de contacts, voilà, attends. Ah ouais, mais moi j'ai mis 200 coups de fil pour avoir m'inviter. Il est fait partager les contacts, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, on a un des acteurs qui était à l'affiche, du Hobbit. Ah, et oui. Super. Et c'est Evangeline Lilly, c'est et ça. Figurez-vous que Orlando Bloom, il n'est pas inconnu. C'est Martin Freeman. Si je vous dis son vrai nom, c'est Benedict Cumberbatch. C'est Bertrand Lemeunier. Comment il s'appelle ? Et Bertrand Lemeunier est plus connu sous le nom de Alf. Vous allez voir, il arrive tout de suite en soucoupe volante, je pense. En soucoupe volante, quoi. Attends, c'est Alf. Bah oui. Attends, écoutez, ah ouais, on entend, c'est pour le milieu de la planète Elmax, c'est génial. Attends. Ah. Ouais, ouais, ouais. Oh la vache. Oula, salut. Ah, salut. Salut, Bertrand. Salut, enchanté. Salut. Vous êtes. Je suis Stéphane. Stéphane, d'accord. Salut, salut Al. Oui, c'est moi, c'est moi, Stéphane. Sartman, enchanté. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors. Ah, vous êtes un peu con sur le. Sur le bruit de chocolat volant, mais ok, c'est une bonne guerre. Je sais pas pourquoi il dit ça. D'accord, bah, on est très content que vous. En plus, là, vous avez fait de la route, hein, parce qu'au départ. On m'entend bien, oui. Ouais, ça va, c'est bon. Oui. Ouais, donc j'ai fait de la route, en effet, parce que je suis le roi, en fait. Je suis né à Grand Quevilly. Le coin de Franck Dubosc, si vous connaissez, à Petit Quevilly. Non, du tout, ah oui. Alors, par contre, nous, on est pas si on est pas tout pas, parce qu'on s'est pas vraiment vu. On a été dans les mêmes écoles, mais. Moi, je suis de. Je suis de 65 et puis lui il était de 63 je crois donc on était à deux ans près, donc on s'est vu et bon il s'est un peu foutu de ma gueule mais sinon pas trop connu quoi. Donc on est content hein. Je comprends pas, tu viens pas de la planète Melmac. Non, c'est ça que vous on veut quand même savoir, parce que vous avez vous êtes pas Alf mais vous avez la même voix quand même hein. Je suis l'interprète de Alf. L'interprète de Alf. Oui. En vrai, dans la série. Pas mal. C'est pas le vrai Alf. C'est cool. Non, mais c'est pas une marionnette. Je comprends pas. Non, mais voilà. C'est sa doublure. T'es la doublure. Ah, vous êtes Alf. Je vous ai dit au téléphone. Oui, mais je vous avais pas vu en vrai. Ouais. Donc c'est surprenant. C'est vrai que j'ai un peu le nez pour évident. Oui, ça ressemble. Je vais vous expliquer tout ça si vous voulez. Oui, oui. Alors, en fait, on l'a fait croire avec la prod que Alf était une marionnette. Et en fait, en 85. Ça doit être ça, j'avais 20 ans. Ouais. En ce temps-là, j'avais 20 ans. Pum, pum, pum. Oui, j'avais 20 ans éternellement. Il chante bien, monsieur Stéphane. Là-bas. Excusez-moi, c'est le donc, j'étais en voyage touristique aux États-Unis, vous voyez. Avec mon ami Serge, qui est un Irak. Donc, qui est mon agent aujourd'hui, et mon ami, que j'embrasse d'ailleurs. Ouais, c'est une petite coucou. Vous avez eu au téléphone la première fois pour prendre un contact avec moi. Ah oui, d'accord. Donc, on était en voyage, et puis. On se marrait, tout ça, on faisait les cons, et il en a voulu partout du vin chaud. Vous voulez un petit vin chaud ? Non, je ne bois plus. On peut vous appeler Alf, parce que Bertrand, c'est compliqué à retenir. Mais, je préfère Bertrand, mais bon, si Alf vous fait plaisir. Parce que nous, ça nous a fait rêver. Hein, carrément, on va taper Alf. Disons, vous allez comprendre plus tard que j'ai une sale expérience avec toute cette histoire de Alf. Mais Alf, est-ce que tu manges vraiment des chats ? Raconte-nous. Non, mais c'était un film, en fait, une série. Mais alors, d'où ça vient ? C'est quoi ça ? D'où ça vient, l'idée du Je perds le fil parce que j'ai eu des problèmes de mémoire à cause de mes problèmes d'alcoolisme. Ah d'accord. Ah merde. Parce que là c'est ça. C'est pour ça je touche plus à l'alcool depuis 2004. Vous êtes parce que voilà c'est une série américaine. Alf est une série américaine mais vous êtes français. Voilà. Alors je crois de comment vous passez de Rouen à Los Angeles. Voilà. J'étais en voyage comme je disais avec Serge mon ami. Ah d'accord. À Los Angeles. Et on apprend que la NBC fait un casting de personnes de petite taille pour une prochaine série. Donc en 85, moi j'ai 20 ans, on est fous. Mais Serge, pour déconner, il fait bah, toi, t'as l'air d'un petit un. Ouais, tu m'appelais comme ça. Je t'inscris pour déconner, on y va. Et je vous crois la bouche. Et il me voit, et le producteur, il dit I want you, I want you. Donc je regarde Serge, il me dit ils te veulent, ils te veulent. Ah, parce que je dis pas un mot d'anglais, faut quand même savoir. Non, vous allez comprendre, c'est... Oui, je peux comprendre une série américaine, un acteur qui parle pas anglais, mais ouais, on s'est démerdé, je vais vous expliquer. Ah oui. Donc, ils m'ont choisi. Alors, au début, ils ont bien aimé... j'ai mis le costume à poil avec la mèche et tout ça. Ouais. Mais le masque qu'ils m'ont mis, il tenait pas bien, il manquait quelque chose. Ils ont trouvé que mon faciès n'était pas assez marqué. Ah merde. Ah ouais. Donc, comme j'étais pris, j'ai eu un contrat direct, mais ils m'ont envoyé chez le chirurgien esthétique ce nez pour Emilio, vous voyez qu'il est sous le maquillage de Alf. Vous avez été payé cher alors, du coup. Bah, moi, c'est pas moi, c'est la prod. Par contre, j'ai croisé là-bas Igor et machin là. Grishka. Oui, ils étaient en consultation pour leur faciès, je sais plus quoi. Bon. Oui, je sais pas si l'on peut. C'est des habitués, c'est des habitués. Et, en tout cas, donc, une fois que j'ai fait ma chirurgie, je suis retourné devant les prods, j'ai mis le costume et là ils ont adoré, il y avait eu quoi 3 traits de crayon sur le nez. Comme quoi, voilà, c'est bien ça, voilà. Il faut donner sa chance un peu aux extraterrestres. C'était ça. On lance la série, on fait les tournages des 10 premiers épisodes avant de lancer la série. Ah ouais. Et Paul Fusco. Excellent épisode, hein, ouais. Paul Fusco. Bah, c'était précurseur un peu Alf de. N'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr. C'est quand même l'origine de pas mal de séries. Ouais. Paul Fusco qui est un éloque avec Alcat, il a l'idée de. De se mettre sous le coude une carte en fait, de faire croire que Alf est une marionnette pour que au bout d'une saison ou deux, quand le projet s'effondre, parce qu'en général on s'essouffle un peu, on relance une news, on fait comme on dirait aujourd'hui le buzz. Hein ah, et oui, du oui. coup, hop, Alf est un comédien, on m'aurait mis devant de la scène et ah, j'aurais ouais, pu redorer le blason de la série. Seulement, ce qui est arrivé, c'est que vous le savez mieux que moi, c'est bah, le oui, succès c'est... de la série bah, ouais, ne s'est jamais tari. Ah, oui, pendant les 4 saisons, on a été au top et on a fini en apothéose sur Opération Alf, le long métrage avec Martin Sheen notamment. Alors, qu'est-ce que tu entends par apothéose Alf? Revenons sur l'expérience Opération Alf, qui est quand même un long métrage, donc vous étiez le rôle principal du coup. Oui, bah j'étais le rôle principal, comme dans la série. Bon, qui est un film un peu. Bon. Malheureusement, ça a fait un flop, faut le dire. Voilà, faut le dire. Il est assez dispensable, je dirais. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ça a fait un flop et on avait payé une blinde Martin Sheen, les caisses étaient vides. Ah, merde. Et la pro, elle a décidé d'arrêter la franchise parce qu'il y avait d'autres choses à produire sur ABC. Oh la vacherie. Donc j'étais foutu à la porte, méchamment en fait. Mmh. Voilà, avec dans mon contrat une clause qui faisait que j'avais pas le droit de divulguer mon identité de Ah oui, n'est-ce pas? Vous avez dû garder ce faciès là. Bah ça c'était fait et j'avais pas les finances pour leur faire. Vous voyez, parce que j'ai beaucoup gagné pendant 4 ans, mais c'était un peu sexe, alcool et pute. Ça valait. Je dois le dire. Non, mais c'est un peu dur. Vous voulez un peu de raclette? Non, mais c'est pas grave. Christophe, donne du vin à Bertrand. Je me suis relevé. J'ai quand même décroché grâce à Serge, mon agent et ami, que j'embrasse d'ailleurs. J'ai décroché un petit rôle dans Alien 4, je sais pas si vous l'avez vu. Ah, si, bien sûr, ouais. Jean-Pierre Jeunet, français, donc un peu peut-être le chauviniste qui fait que j'ai eu ce petit rôle. Oui. Un tout petit rôle, je joue un des clones ratés de. il m'a craché son vin à la tête. Oui, voilà. C'est celui qui apparaît dans le troisième plan. Le troisième. Ah, tout à fait, je vois très bien. Le plus horrible. Je suis dans une bassine d'eau verte. Le plus bizarre. Enfin, immobile, quoi. Et on me voit flottivement, appuyant quand il passe au milieu des clones. Donc, très bien, non, mais très bon. Donc, je venais, quelle prestation. Alors là. Merci. Et malheureusement, en fait, j'ai accordé à cette époque une interview à Time Magazine. Ah bon. Mais comme j'en disais trop sur Alf, sur Alien 4. Et j'ai dérivé en révélant que j'étais Alf, là la NBC m'a cueilli, puisque j'avais pas le droit de le divulguer avant 2004, je crois, ou 15 ans après la fin de la licence, donc je crois que c'est 2000 ou 2001. D'accord. Donc ils m'ont attaqué en justice et ils m'ont pris tout l'argent qui me restait. Ah, là, là. Donc là, retour forcé en France, rapidement, ils s'en sont suivis quelques années d'alcoolisme et au fond non, du trou. Prenez un peu de chaud, ça va aller. J'ai entendu des histoires comme quoi il y avait une vraie haine qui vous liait à Chewbacca, le personnage de Star Wars. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Non, en fait, ça c'est des rumeurs, c'est parce qu'on m'a confondu avec Wicket, des Ewoks tout à fait, du retour du Jedi, l'épisode 6. Et de la planète Endor. De la planète Endor, en effet, alors que Alf est de Melbach, donc il n'a jamais rencontré le Wookiee de sa vie. Et puis moi-même, j'ai pas rencontré le comédien qui fait le Wookiee en question, donc non, j'ai pas l'animosité envers lui. Là. Alors, donc, c'est à cette époque-là, vous êtes au plus bas. Et comment vous arrivez à vous en sortir? Oui, donc après le procès par la MBC, je suis vraiment au plus bas, j'ai plus une thune, je suis alcoolique. Voilà, j'ai du mal à m'en sortir, mais heureusement, une fois de plus, c'est mon ami Serge qui va me sortir de la merde, hein, on peut le dire comme ça. Donc moi, j'ai essayé bien sûr après le procès d'avoir quelques rôles, mais j'avais un CV vide puisque interdit de parler de Alf. Une apparition dans Alien 4 où on me reconnaît pas. Et voilà quoi, donc les gens avec mon passé c'est un peu difficile, ne me prenaient pas. Mais finalement... Les gens ont tellement d'a priori. Serge m'a forcé à faire une thérapie, sortir de l'alcoolisme. Après ma désintox, parce que j'ai passé, non, il faut dire, j'ai passé quelques années difficiles où pour m'acheter de l'alcool, j'étais obligé d'obséder des contrats dans des cirques, des foires ou des fêtes d'Halloween. Donc c'était un petit peu difficile pour moi. Mais donc Serge m'a fait désintox et en fait il a repris contact notamment avec Jean-Pierre Jeunet. Et parce qu'il était également agent de Dominique Pilon à l'époque. Il fait toujours des performances dans les bars du bar. Non, c'est terminé. Aujourd'hui, je me suis complètement relevé. C'est-à-dire qu'à l'époque, Jean-Pierre Jeunet préparait Amélie Poulain. Et j'ai eu la chance, non pas de tourner dans le film, mais de faire la doublure du nain en céramique pour les répétitions. Parce qu'en fait, il n'avait qu'un. Arrêtez de rigoler parce que c'est douloureux ces années pour moi. Mais bien sûr, bien sûr. Ça m'a permis de me relever. Il n'avait qu'un seul exemplaire du nain qui était très beau et choisi par Jean-Pierre Jeunet. Et pour pas le casser, on répète, c'était moi qui mettais à la place. Donc j'ai retrouvé mes sensations de comédien avec Audrey Tautou, avec Rufus. Oui. Notamment qu'un très grand acteur que j'admire beaucoup. Bah, qu'on a revu. Et grâce à ça, ça m'a permis de me relever. J'ai pris l'apéro avec lui il y a 3 jours. Ah, Donc bref, ça m'a permis de me relever. Et là, là, le coup de bol, passe un casting. Et je suis pris pour faire la motion capture. Pour interpréter l'intégralité des personnages d'Arthur et les Billy Boy. Ah, pas mal. Donc là, je rencontre Luc Besson, j'ai fait un bon casting. Et grâce à ça, bah, il m'a fait confiance sur le premier et le 2 et le 3. Mm-hmm. Ça m'a permis de me relancer et donner un certain confort pour choisir mes projets. Voilà, donc vous avez choisi du coup le Hobbit. Pas encore. C'est-à-dire que là, j'ai passé un casting. Comme je me suis fait à Londres dans la motion capture, j'ai pu participer à la planète des singes. Ah, non. En fait, si, j'ai fait pas mal de singes secondaires qu'on voit en arrière-plan. Ah oui. Et c'est là que j'ai pu, bien sûr, rencontrer le grand, l'inénarrable, j'ai envie de dire, Andy Serkis. Ah, le modèle, le modèle. Ouais. Et c'est lui qui m'a pistolé auprès de Peter Jackson pour que j'aille faire de la motion capture sur le Hobbit. Donc le premier épisode, c'était, j'ai fait, je crois, 2-3 personnages en arrière-plan dans les scènes d'orques. Par contre, sur les deux opus suivants, dès qu'il y a plein d'orques, vous pouvez être sûr qu'elle a une bonne 10-20%, c'est moi. Ça, c'est de l'info officielle. Donc ça, là, est-ce que voilà. Vous êtes sur des nouveaux projets? Bah, en fait, après le Hobbit, j'ai pas trop le droit d'en parler. Enfin, j'ai eu la prod tout à l'heure qui m'a autorisé à divulguer l'info. Alors que l'ancien réalisateur avait bloqué toutes mes candidatures, il voulait pas entendre parler de moi, je suis pris sur Star Wars 7. Ah, oh, bah, ouais, bravo. Pour faire la motion capture, une fois de plus. Ah, mais, officiel. Mais là, j'ai un rôle physique, hein, n'est-ce pas? Ah, oui. Où on va voir à l'écran où je vais interpréter le rôle d'Adja, voilà. D'accord, c'est bien. Et j'aimerais, pour terminer, remercier une dernière fois mon ami Serge, qui est mon agent, que j'embrasse d'ailleurs. On l'embrasse. Qui, grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Bisous. Et vraiment, Serge, c'est un bon copain. Mais malgré tous ces succès, tu n'as toujours pas réussi à sortir de l'alcoolisme. Comment ça se fait? Si, j'ai dit, depuis 2004, j'ai jamais bu une goutte d'alcool. Bah, les vins chauds, là, que t'arrêtes pas de t'enfiler, c'est un quart d'heure, c'est l'alcool, gros. J'avais demandé au petit, je le répète. Le petit, il ne travaille pas, donc il ne travaille pas bien. Voilà, tant pis pour lui. Vous voulez me foutre en l'air 10 ans de thérapie là. Ok, alors. Il est où le petit là? Bah, merci Bertrand, Alf. Bah, merci à vous. C'est intéressant cette interview. C'était très intéressant. On l'embrasse, allez voir Christophe. Bon bah, salut les gars, merci pour l'interview. Oui, à plus. Merci d'être venu. Par contre, salut. Bon, avant de le diffuser, vous demandez à mon agent, je suis pas sûr au niveau des dates. Que ouais, non, mais t'inquiète, c'est bon, ça, on voit ça après. C'est bon, y a pas de. Il s'appelle comment ton agent déjà? On vérifie toutes nos sources. Tout à fait. Kerguéret. Ouais, tu l'as pas dit. Mon ami et agent que j'embrasse d'ailleurs. Merci les gars. Ok, on passe. Bon courage pour l'officiel. C'est qu'on passe tout de suite à la. Au dossier officiel et puis après, on ira boire un bon verre de vin chaud. J'ai un peu soif. Alors, le dossier officiel, quoi de mieux dans ces périodes de fête, hein, où il fait beau, c'est Noël, c'est la fête. C'est bientôt Noël. C'est la fête. On se demandait sapin. Quoi regarder à Noël, à votre avis. Christophe, arrête, Christophe, tu m'énerves. Ah, Christophe, vous allez participer au dossier avec nous. Quoi regarder à Noël, vous? Qu'est-ce que vous allez regarder, les gars, Stéphane? Une photo avec lui. Ah bah moi, il y a un classique, c'est « Maman, j'ai raté l'avion ». Ah, voilà. Ça, ah ouais. C'est... Ah ouais. Là, on est dans du traditionnel, tu vois. Ah oui, bah, là, oui, ah ouais. Bah. Fais-nous un petit synopsis. Hein. Un petit synopsis. Nos auditeurs qui n'ont pas vu Maman, j'ai raté l'avion. Hein, tout à fait. Eh bien, alors, Maman, j'ai raté l'avion, c'est une famille américaine qui part fêter Noël à Paris et qui oublie Mickey dans la maison. Et Mickey, il fait comme ça. Ah! C'est pas Kevin, plutôt? Kevin, d'ailleurs. D'accord. Kevin, excusez-moi. Donc, c'est un excellent film, Christophe. Moi, je l'ai adoré. Ah là. Et Sartman, elle a vous le conseillé. Mickey, c'est des Goonies. Je trouve ça nul à chier, moi. Merci. Vache. Et donc, après. En fait, il y a Joe. Vous pouvez enchaîner sur Maman, j'ai encore raté l'avion, qui est un chef-d'œuvre. Vous pouvez vraiment, vous voulez vomir. Nous faire un petit synopsis, Stéphane. Avec Joe. Vous savez, moi, j'ai repéré. Alors, c'est Macaulay Culkin. Ouais, merci, Christophe. Tu as fait nous un article, va nous faire un article. Sinon, il y a Le Retour du Roi. Voilà. Ça, c'est un film de Noël. Alors, même la trilogie, hein, finalement. Bah, la trilogie version longue, mais si on n'a pas le temps, Le Retour du Roi. Non, mais les gars, là, je vous entends parler là depuis à peu près 2 minutes 50 là. Ouais. Tout ce que vous dites est scandaleux. Pourquoi? Pourquoi les films de Noël le meilleur film de Noël de l'histoire de tous les temps. Ouais. Ah, ouais. C'est Die Hard, les gars. Ah, ah oui, c'est un bon film. Ouais, c'est un bon film. C'est l'ambiance de Noël. C'est le plus grand film de l'histoire de Noël. C'est le film à regarder avec ses enfants devant le sapin. Le 2. Gremlins. Die Hard 2. Christophe, arrête de parler, sinon je vais te tuer. Le 1. Christophe, le 1. Ah oui, le 1 il est bien aussi. Ah oui! Il se passe pas à Noël. Aussi. Si! Il y a pas de neige. Éloignez-le, je le tue. Mais ça se passe en intérieur, c'est pour ça. Le 2, il y a de la neige et il enfonce un stalactite dans l'œil d'un méchant. Ah oui, exact, très bonne scène. Arrêtez de lui faire parler. Non, non, mais je pense que moi je trouve qu'il dit pas de grosses conneries. Et donc, moi je joue plutôt Gremlins, qui est un excellent film de Noël aussi. À regarder en famille. Tout à fait. Voilà. Ou alors Cannibal Holocaust. Famille à Noël. Une famille bizarre, Stéphane. Ouais. Non, non, mais là c'est la parodie, c'est Cannibal en low cost. Tu vois, il voyage en low cost. D'accord, il l'a fait donc. Je ne connais pas ce film. Il l'a fait. Ça a l'air intéressant ce film. Oui. Il y a des empalements. Moi, mon film de. Enfin, oui, Christophe. Si je dois dire un film de Noël, ce serait plutôt. Five. En plus, ils sortent le. Non. J'aime bien. Est-ce qu'on peut l'empêcher de parler, s'il vous plaît? Non, non, il a le droit de s'exprimer, c'est Noël. Ils sortent le 2 bientôt là. C'est Dumb and Dumber. La scène au bord du feu où il. Non, mais c'est pas un film de Noël, ça, c'est un film de toute l'année. Il a une neige. Dès que t'as un petit coup de blues, tu regardes Dumb and Dumber. Et il prend un briquet devant sa belle famille dans un rêve. Ouais. Et il lève ses jambes et il le met devant ses fesses. Et à ce moment-là, il pète, ouais, ça fait des flammes. On est des adultes. Ce genre de vanne, ça ne fait plus marrer. Je suis désolé. L'officiel, on s'adresse à des adultes quand même. Voilà, c'est un public plutôt cinéphile. D'ailleurs, est-ce que vous souvenez de Porky's, hein, dans le film de Noël, il y a du genre un peu dégueu, un peu crade. Qui sont les Porky's? Voilà. Donc aussi, série télé, il n'y a pas que des films, il y a aussi des séries. Alors, Doctor Who, par exemple, est une série qui. Compris la blague. Ok, pardon. Oui, non, Doctor Who est une série où tous les ans il y a un film de Noël. Ouais. Downton Abbey aussi, c'est pas pour ça que c'est bien. Bah, les Simpsons aussi. Ah, c'est les séries. Les Community, les épisodes de Noël, ils sont pas excellents. Ah ouais. Ah, mais oui. Oui, c'est vrai, ils sont excellents, les épisodes de Community. T'es pas obligé de dire des conneries tout le temps. Non, c'est vrai. Et est-ce que vous avez vu l'épisode de Noël de 24 heures chrono? Excellent épisode. Le Noël de Jack Bauer, vous Christophe, l'avez vu? Christophe, je t'ai dit de m'envoyer le Divix, putain. Jack Bauer est obligé vraiment de se déguiser en Père Noël. T'en es à respecter tes convictions. Ça nous donne quand même vraiment des et scènes. Et de choper des islamistes. Ouais, ça nous donne des scènes anthologiques. Voilà. Et on sent bien que ça dénonce, pourtant ça passe sur la Fox, c'est fort. Ouais, c'est un tour de force. En fait, l'épisode se transforme. Je pense qu'on peut débrancher. L'épisode se transforme j'ai pas fini, en fait. À 20 minutes de la fin. Ah, pardon, Christophe a pas fini. Oui, donc c'est bien ce que je disais, on peut débrancher. Non. L'épisode se finit par une comédie musicale de 20 minutes où Jack chante des chansons de Noël. Mixé par David Guetta, non? Non, c'est Daft Punk, les Daft Punk qui mixent. Ah oui, je me disais bien que la musique était extrêmement à chier. Et Hans Zimmer rajoute des basses comme ça. Je peux avoir le fromage, même froid. Tiens, mon fidèle. Alors, on peut citer aussi hein, pour les petits enfants, les trois jeunes de Monsieur Jack, hein, un classique. Hein, ouais. Qui marche toujours. Toujours. Bah, Edouard Main d'Argent aussi, c'est un film de Noël. Je conseillerais plutôt le 2, moi. Edouard Main d'Argent 2. Ouais. Réalisé par Peter Farrelly. Les frères Farrelly, oui, ils sont deux. Non, juste Peter. L'autre, il écrivait le scénario. Mais Et donc, ça, c'est vraiment bien vu. Hein. Il a aussi les doigts de pied de la même façon. Enfin, c'est assez marrant. Hein. Ouais, il tend le gazon comme ça, c'est assez rigolo. Quoi d'autre? C'est que vous avez un à vous. Christophe, vous êtes exprimé sur votre film préféré? Je ne sais plus. J'avais dit le film avec Jim Carrey. Vrai. Mais pour changer, je pense aussi au Grinch avec Jim Carrey et l'étrange Noël de Monsieur Scrooge avec Jim Carrey. D'accord. Vous êtes un fan. Moi, je vous trouve un peu léger en période de Noël. Moi, personnellement, je me regarde des valeurs sûres. Mais le Grinch, il est nul. Hein. À bout de souffle, les 400 coups. Voilà. Des vrais films, quoi. Ouais, du vrai cinéma, Christophe. Bah ouais, quand même. Voilà, Woody Allen. Jim Carrey, nous, on aime pas. Donc. Miracle sur la 34e rue. Ah oui, excellent. Excellent film de Noël avec un Père Noël très crédible d'ailleurs. L'acteur qui joue John Hammond dans Jurassic Park quand même. Ah oui, Richard Attenborough. Mais... J'ai dépensé sans compter. Il a dépensé sans compter. Est-ce qu'il a dépensé son compté sur Jurassic World, hein? On espère que non. Bon, on espère que non. La viande espagnole. Sur le site, j'ai mis en ligne l'abondance de Jurassic World. Enfin, la vraie. Merci. La vraie. Pas la fausse une excellente bande-annonce. Allez sur le site voir la vraie bande-annonce. Parce que dans la fosse, on est d'accord qu'il y a un crocodile géant qui saute comme ça et puis ils ont fait une. C'est la fosse. Une espèce. mi-dinosaure, mi-tridinosaure. D'accord, écoutez. D'accord. Moi, un autre que je veux pas oublier, le Père Noël est une ordure. Ah voilà, Noël, voilà un film de Noël. J'ai pas vu. Bah, allez le voir immédiatement. Le Splendide, tu connais pas? Le Père Noël est une ordure. Le Magnifique. Qui donc retrace. Non, mais laisse tomber. Tu as peut-être trouvé le film qui nous mettra tous d'accord. Ah, ouais, c'est ça. Bien joué. Bah, alors, est-ce qu'on a fait le tour du dossier officiel? Ah, bah, on a fait Noël. Trois fois le tour là. On a même fini la raclette là. Du coup, je peux pas te dire. On a débranché. Là, on a mis 4 tours à tous les deux concurrents. Alors, bah, ce que je vous propose, c'est d'en finir là. Bah non, on va boire un pyramide de machot quand même. Ah, allez. Parce que on n'est pas des bêtes. Allez, on prend pas un comme dernier ça. Verre de machot. Allez, à la vôtre. Allez, voilà. Santé. Santé. Et joyeux Noël. Bonne année. Bonne santé, on va voir. Parce que c'est très long là quand même. Joyeux Noël. Amusez-vous bien, bonnes vacances, revenez en pleine forme. Et bonne année. Et bonne année. Très bonne année. Beaucoup de cadeaux. Faites taire Christophe, s'il vous plaît, faites quelque chose. Raleigh ou Stéphane, faites taire. En plus, les gens, il y en a qui se lèvent tôt demain pour aller skier, donc il faut aller. Je peux faire la grasse mat du coup? Non, toi, non. Tu dois travailler. T'as des bases de données, Christophe. T'as du référencement, t'as du code à faire. Voilà. Arrête de nous embêter. Merci. Et tu dérushes aussi le podcast. Merci. Allez, gros bisous à tous. Gros bisous. À bientôt. Et joyeux Noël. Et bonne fête. Joyeux Noël. Mes amitiés. Les Black Star Wars de Christophe. Alors, comment on calme un Ewok hyper énervé? On l'endort. C'est bien. Parfait. Ah, c'est bien.